Okay, start. Restart. I'm looking for lyric. Ah, ça va pas marcher. Je vois le vent, je vois la vie. Je vois les gens, je vois la nuit. Okay, restart. Je vois la nuit, je bois le jour, je bois le verre, je bois le vide, je bois et je vois mon frère. Il parle au vent, il parle du bruit, il parle aux gens qui sont partis. J'avale le vent, j'avale mes cris. Je calme mes pas sur ceux d'autrui. Je vole au vent, je vole de nuit. Dans les tympans, dans les tempis. Mais assez parlé de moi. Assez parlé de moi. J'avale le vent, j'avale la vie. J'avale les gens, j'avale la nuit. Je bois le jour, je bois le verre. Je bois le vide, je vois mon frère. Qui parle au vent, qui parle au bruit. Qui parle aux gens qui sont partis. J'avale le vent, j'avale mes cris. Je calme mes pas sur ceux d'autrui. J'avale le vent, j'avale mes clés. J'avale la peur, j'avale la mort. J'avale ma sueur, j'ai mal au cœur. Je vois la mer, je vois derrière les meurtrières des imposteurs. Je crois le sol qui voit le doigt. Au clair de lune, juste le doigt. Dans la lagune, dans la belle brume. Mais assez parlé de moi. Thank you. vent, je veux la vie, je veux les gens, je veux la nuit, je bois le jour, je bois le verre, je vois le vide, je vois mon frère qui parle au vent, qui parle au bruit, qui parle aux gens qui sont déjà partis. Déjà partis. J'avale le temps, j'avale mes cris, je calme mes pas sur ceux d'autrui. Je vole au vent, je vole de nuit, dans les tympans, dans les tympis. Je vois le large, la Normandie, sans bocage, sans ennui. J'avale le vent, j'avale la vie. Assez parler de moi.